Ok. Paradis Airlines. Écoute. Écoute. Simple maillon, on esclavive que nous soyons, nous sommes des bêtes de somme, maître ou esclave en somme, simple être, petite ou grosse somme, ami ou traître, ennemi peut-être, ou tout simplement des hommes, des âmes perdues sans guide, nos âmes braquent le bonheur, ces âmes s'ouvrent comme la trappe sous nos pieds, précipite mon corps dans le vide, nos dieux sont en papier, et c'est leur amour qui nous suicide. On est frappé par la foudre, comme conduit par un fou, rattrapé par nos démons, la cervelle brûlée par la poudre. C'est encore loin le paradis. Hey, c'est à combien le paradis? Ce monde me blesse la rétine, me laisse aucun choix. De la tétine à la tombe, à Dieu je m'adresse certains soirs. Cherche un peu de clarté, un sens à cette vie, je me remémore le quarté. Naissance, école, boulot et mort. Où est ma place, mon camp ici? Croyant ou athée, je suis à l'abri des missiles. Mais jusqu'à quand? J'ai porté ma croix matée. Mon côté sombre, les trois six, c'est garder le mal. Mais jusqu'à quand? Je suis là, assis seul dans les ténèbres, braquant le ciel du regard. On a la pisse et la douleur quand on est nègre. Le bien déserte l'écran. On célèbre nos noces de feu. L'argent veut assassiner Dieu, le trône est vacant. Sur toutes les lèvres, on lit la même prière. Mais si on vise, il tout puissant et amour. Pourquoi sa parole divise? Le monde est à nous. Vu qu'on y vit, je me creve l'arme au poing et pas à genoux. C'est réel, c'est pas une TV. Y'a rien de glamour, mais je relativise. J'avoue, la vie a un drôle de sens de l'humour. Parfois, dans du tunnel, on voit pas le bout. Mec, dans le ghetto, on craque. Destin tracé comme le fœtus d'une mère défoncée au crack. La foi dans le créateur, pas en l'homme et ses légions. Mal comprise, religion devient arme de destruction massive. Ta guerre, c'est un braco. Déguisé en juste cause, un an sculpant sous serment. Des mômes qu'on arrose pour des gisements de brutes. De cause de rêve qui s'écroule comme les tours jumelles. Cette pute de liberté qui perd son rimel. Dans les rivières de la haine, coule le sang des martyrs. Quand la peur gagne par chaos, la morale repart en civière proche du chaos. Le cœur abrite le feu de Lucifer, mais là-haut, faudra s'y faire. On nous a laissé libre arbitre et la canicule tout s'agite. Le sud encule le nord, le sol rosé, on changera pas ce monde à moins d'un paquet de millions de morts. Vivre et apprendre à mourir, se battre pour un courant de les armes. Faire face ou passer son temps à courir, en passer l'enfer du sourire et succomber à ses charmes. Avancer bien les poings serrés dans ce monde, enterrer sa peine, contrôler son destin. Même si c'est pas ici ou dans ce monde. Moi j'y arriverai même à dos d'un putain de missile, c'est certain. Je reviens me livrer, c'est fort, je reviens œuvrer. Je rappe comme avec un flingue sur la tempe, tu peux pas mentir, donc je dis vrai. On commence à le sentir, le souffle, livré à moi-même, j'ai appris à manœuvrer le mic au bord du gouffre. Dans ce putain de monde j'étouffe, alors j'écris. Souffle ma 30e putain de bougie dans les fourneaux de l'antégrite. Si je le bouffe le micro, c'est pour m'arracher haut de passe. Commet des crimes musicaux, pour arracher le code barre. Y'a personne pour entendre tes cris, t'allumes un brasier, tu t'équipes. En cas de conflit, monsieur vengeance est pas rassasié. Ce système pervers a fait le casting, fallait que ça arrive. Clara Morgan se change en vierge Marie, j'ai l'organe. Vocal, un couplet d'explosé dans spilonne la rime. J'irai danser sur les ruines de Babylone. Je veux mourir brave dans cette jungle, prendre la bonne miane et partir humble sur Paradis Airlines. Paradis Airlines. Vivre et apprendre à mourir,